Ensuite, il nous cite un deuxième verset. Il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, « Wa ma arsalna min qablika min rasoulin illa nuhi ilayhi, annahu la ilaha illa ana fa'budun. » Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, « Je n'ai envoyé aucun messager avant toi sans lui faire révélation que nul ne mérite l'adoration en dehors de moi, alors adorez-moi. » Wallahi les frères, quelle ni'ma on a. Quelle ni'ma Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé. Le fait de suivre les prophètes. Tu es sur la même voie que tous les prophètes. Tous les prophètes, ils ont appelé à ça. Le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Tous, ils ont appelé à ça. Parfois, il y a certains, des chrétiens, ils veulent parler avec moi, ils veulent discuter. Stop! Attends, avant qu'on commence le débat, il y a juste un sujet. Un sujet, s'il te plaît. Tu crois au prophète? Oui. Est-ce qu'il y a eu un seul prophète dans la Bible? Trouve-moi un prophète qui nous dit, il faut adorer Jésus. Un seul. Tu le trouves? Je suis avec toi. Tu le trouves? Je suis avec toi. Tu ne trouves pas? Ça ne sert à rien de parler. Moi, je veux sur la voie des prophètes. Ça ne sert à rien le débat. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas possible qu'Allah, il nous envoie je ne sais pas combien de prophètes pour qu'ensuite il nous envoie un qui contredit la voie de tous les prophètes et qu'on doit suivre celui-là. Mais comment? Ça veut dire quoi? Tous les autres sont égarés? Tous les autres sont égarés? Ouais, non, mais je veux parler d'un autre sujet, vous savez. Non, non, non, non. Regarde. Tu crois en prophète? Oui. Ramène-moi un seul prophète dans toute la Bible, de A à Z, un seul, je ne veux pas 10, je veux un seul prophète qui nous dit il faut adorer Jésus. Tu trouves ça? Marhaben, viens, on parle. Tu ne trouves pas? C'est pas la peine. Wallah, les frères, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma. C'est même pas la peine de te fatiguer avec eux, de dire oui, mais attention, Bible, ça. C'est même pas la peine. On a une base, elle est trop solide. Elle est trop solide, cette base-là, c'est Tawhid. La voix de tous les prophètes. Imaginez-vous, les frères, ces gens-là, ils ont modifié les livres d'Allah. Ils ont changé les livres d'Allah. Ils nous ont fait un livre avec je ne sais plus, j'ai déjà oublié le nombre de livres qu'il y a dans la Bible. Le nombre de pages qu'il y a dans ce livre, ils nous ont fait un livre énorme. Malgré tout ça, ils n'ont pas pensé à mettre un seul prophète qui dit qu'il faut adorer Jésus. C'est terminé, vous vous êtes fatigué pour rien, le débat il est clos. Et donc ça, c'est vraiment une ni'ma sur laquelle on doit s'accrocher, les frères.